La société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La société sylvicole est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-8080. Elle est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Et c'est le Red Champagne, c'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Dernière chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. Ça doit sûrement être le party en Abitibi, les Huskies de Rouyn-Noranda qui ont montré vraiment une belle preuve de caractère. Ils seraient d'ailleurs 2-0 chez eux à l'étranger contre les Moussets d'Halifax. Ils nous ont remonté, ils ont remporté une victoire de 4-2. On en parle avec Michel Dugas. Salut Michel. Salut Danny. Michel, c'est-tu le party chez vous? Depuis hier soir, effectivement, depuis le son de la sirène en troisième période à Rouyn-Noranda, ça festoie dans les rues, dans les bars un peu partout. J'ai des collègues journalistes qui font des reportages justement sur l'atmosphère qui règne. Et ça s'est transposé ce midi parce que les Huskies sont arrivés sur le coup de midi là, à l'aéroport de Rouyn-Noranda. Il y avait plus de 200 personnes là, pour les accueillir et des partisans alliés, disons. Là. Ah, c'est pas mal le fun. Écoute, des grosses chances, c'est nous autres l'année prochaine. Des grosses chances. En tout cas, on va être dans le Final Four, ça, c'est pratiquement certain. Michel, tu es d'accord avec moi? Quelle preuve de caractère de cette équipe-là? Là? C'est 2-0 en deuxième période. Arrive après ça, il remonte la pente et il gagne le match. Belle preuve de caractère. Oui, mais tu sais, quand tu as connu une saison comme celle que les Huskies ont connue, t'as développé une certaine confiance psychologiquement. Là. T'as beau dire que les Mooseheads sont arrivés premiers dans le tournoi à la ronde puis qu'ils ont atteint directement la finale, mais on s'entend pour dire que les Huskies ont gagné la Coupe du Président face aux Mooseheads. Ils ont remporté leur match face aux Mooseheads, donc c'était une question mathématique. Là. Donc les Huskies faisaient face à beaucoup d'adversité parce que premièrement, les partisans d'Halifax s'étaient ligués contre les Huskies. On l'a vu lors du match contre le Storm de Guelph. On l'a vu également, évidemment, lors du match de la finale parce que ils étaient leur favori était là. Mais on voit que ce que ça fait une équipe là, qui, premièrement, des joueurs qui sont passés par là, puis deuxièmement, une équipe qui n'a perdu qu'une dizaine de matchs pendant toute l'année. La confiance était là, puis même quand c'était 2-0, personne n'a paniqué sur le banc. Et puis, on a vu ce qui s'est passé par la suite. Là, des Huskies qui ont été opportunistes face à des Mooseheads qui, à un certain moment donné, étaient vraiment débordés. Joël Tisdale, ça a-tu le talent pour jouer dans la Ligue nationale, ça? Je l'espère. Oui, c'est sûr qu'il va s'en ramasser à Laval l'an prochain, c'est sûr et certain. Non? Oui, ça, c'est certain que l'an prochain, il va se ramasser avec le Rocket. Écoute, si jamais il ne perce pas dans la Ligue nationale, ça va être un beau talent exporté en Europe. Okay. C'est un gars qui a démontré beaucoup de caractère là, au cours des trois dernières saisons. Moi, je l'avais vu jouer là, avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. C'était un joueur, comment on dit ça, c'était un fatigant. Okay. C'était un gars qui il prend jamais de soirée off, comme on dit en bon québécois. Mm-hmm. Il se présente à tous les matchs, donc ça va être un bel atout là, pour Joël Bouchard et sa bande. Joël le connaît très bien. Le coaché à Blainville-Boisbriand. Donc, ça va être intéressant de voir le développement de ce jeune joueur-là. Puis, il est venu d'ailleurs compléter une formation qui avait été bien bâtie là, par André Tourigny et par Gilles Bouchard là, au cours des dernières années. OK. Samuel Harvey, c'était la fin de la carrière junior de Samuel Harvey. Une belle façon de bien terminer. Là. Il a fait le travail durant le Coupe Memorial. Il a fait le travail. Ça a toujours été. Samuel Harvey, ce que j'avais remarqué au fil des ans, parce que j'avais l'occasion de le voir jouer souvent, étant donné que je suis basé à Val-d'Or, Samuel Harvey avait tendance, à une certaine époque, à donner un mauvais but par match. Et ça, au cours des séries, puis au cours de cette saison, on n'a pas vu ça de Samuel Harvey. Donc, ça a été probablement plus mature, plus fort psychologiquement. Et pour un gardien de but, on le sait, là, c'est quelque chose de fort important. Et donc, Samuel Harvey, oui, ça a été un des grands artisans là, de cette saison de rêve des Huskies. Il va rester quoi des Huskies là? Maintenant, les Raphaël Harvey Pinard, tout indique qu'il s'en vient ici à Chicoutimi. T'as également, Samuel Harvey, c'est terminé. Ils ont quand même 23 joueurs sur 25 qui viennent de l'organisation des Huskies. Donc, c'est une équipe. Faut pas s'attendre à ce que ça fasse comme certaines équipes qui ont gagné la Coupe Memorial, puis par la suite, c'est très difficile. Là. Ils ont de la misère à gagner 10 matchs dans l'année. Là. Je pense pas que ça fasse ça avec les Huskies. Hein. Ah non, si tu fais référence à ce qui s'est passé avec les Titans de l'Acadie Batters, sinon c'est une histoire bien différente. Comme tu le dis si bien, c'est une équipe qui s'est bâtie par les choix de repêchage. On a développé les joueurs. Et n'oublions pas, là, derrière Samuel Harvey, c'est un gardien de 20 ans. Mm. Il y a Zachary Aymon qui est là, qui, malgré le fait qu'il n'a joué que 27 matchs cette saison, a réussi 7 blanchissages. C'est le plus haut total dans tout le circuit Courteau. Donc, écoute, puis quand on sait que la plupart du temps, les équipes se bâtissent à partir du filet, ben, moi, j'ai l'impression que les Huskies sont encore en voiture. Peut-être pas pour remporter un championnat. Mais d'après moi, là, ils feront pas comme le Titan cette année où est-ce que on a vraiment vidé le club et puis qu'on s'est ramassé avec des joueurs de saison. On va avoir quand même du bon matériel, du bon hockey à point d'honneur. OK. Ben Michel, je sais pas si merci beaucoup de ta collaboration durant la Coupe Memorial, durant les séries de la Ligue du Junior du Québec. On va peut-être reparler pour le repêchage, si tu veux bien, de la Ligue de hockey Junior du Québec, qui est dans 2 semaines. Merci beaucoup et on se reparle bientôt. Ça me fait plaisir, Danny. Michel Dugas, qui est notre collaborateur de la Ligue de hockey Junior du Québec.